Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. En la década de los 60, la canción francesa pasaba por uno de sus momentos más brillantes. Eran canciones de un gran lirismo y gozaban de unas interpretaciones soberbias por parte de los intérpretes, y todo ello sin renunciar a su proyección popular y, por tanto, al éxito. Esta edad de oro de la canción francesa se nutría de gente como Los Brassens, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Charles Trenet o Jacques Brel. Bueno, pues de este último vamos a hablar hoy. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre notre église et notre mairie, entre la barrière du grand-père Machin et le bois joli de monsieur le baron, et entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de la Madelon. La Madelon, l'aventure commence alors, à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Tous ceux que l'on cherche à pouvoir aimer sont auprès de nous. À chaque instant, dans le creux des rues, dans l'ombre des prés, au bout du chemin, au milieu des champs, debout dans le vent et semant le blé, plié vers le sol, saluant la terre, assis près des vieux et tressant l'osier, couché au soleil, buvant la lumière. Dans la lumière, l'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore. L'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Martin. Jacques Brel fue un cantautor belga de habla francesa. También hizo cine, pero siempre le recordaremos por la poesía que contienen todas sus canciones y por la sinceridad y la entrega con las que las cantaba. Aunque buena parte de su vida artística la pasó en Francia, sus primeros pasos en la canción los dio en Bélgica. En 1952, ya casado y con dos hijas, tenía entonces 23 años, empezó a componer sus primeras canciones que daban muestra de gran lirismo en sus letras y que sobre todo interpretaba por diversos garitos de Bruselas. Todo esto con la oposición frontal de su familia. Pero bueno, a pesar de todo, nuestro héroe siguió empeñado en su objetivo y sin encomendarse a nadie, él solo, se marchó a París para seguir componiendo y allí pasó el tiempo cantando por cabarets y music halls de la capital francesa. El hombre también tuvo que dar clases de guitarra para ganarse la vida. Las cosas no iban tan bollantes como esperaba. Poco a poco, las cosas ya sí que fueron mejorando y pudo reunirse con su mujer y sus hijas. En 1956 grabó la canción Cuando solo queda el amor, una canción que le valió su primer gran éxito. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour